Bonjour, il y a un monsieur qui m'écrit. Je vais aller voir ça. Ok, il m'écrit. 95% des gens ont mis le poison dans leur sang. C'est game over. Ils vont l'avoir, leur esclavage mondial. C'est drôle, il y a 5 ans, tu défendais BDM. En passant, ça fait bien plus de temps que ça que je suis sur Internet. À 100%, ce qui n'est pas vrai. Et le double éthérique, oui, le double éthérique, mais c'est parce que c'est pas ce que vous autres vous pensez, le double éthérique. Parce que ça vient des théosophes, puis à un moment donné, il y a des phénomènes par rapport à ça, on en parlera. Tu glorifiais son livre, La Genèse du réel. Non, j'avais expliqué que j'avais vécu des phénomènes physiques par rapport à la genèse du réel. Tu as bien changé, pas tant que ça. Je suppose que tu es au courant de l'effet Mandela, va falloir un autre 5 ans pour que tu découvres, je suppose. Donc, là, on va. Moi, je vais m'adresser à vous. En vous voyant. Parce qu'ici, c'est ça le protocole, les gens qu'on connaît pas. Parce qu'on est des Canadiens français. On est des Canadiens français. Puis au Canada français, quand on connaît pas personnellement quelqu'un, on le vouvoie. Moi, j'accepterai pas de me faire tutoyer par des gens que je connais pas. Bon. La genèse du réel. Moi, en deux, quand Bernard de Montréal est mort, j'étais bien déçu parce que j'avais l'intention, quand j'ai une fois fini mes études, d'aller à Montréal le voir. Malheureusement, il était décédé. J'ai fini mes études exactement comme il était décédé. Mais j'avais gardé la genèse du réel après en avoir jeté une aux poubelles, celle de ma grand-mère. Mais j'avais encore celle de mon père parce que mon père était décédé un petit peu après ma grand-mère. Puis, j'ai une conjointe du temps qui m'avait dit tu devrais le lire. Puis c'est là que j'ai eu des effets physiques, entre autres. Puis aussi que j'ai eu affaire à des affaires. Que Bernard, lui, il s'est fait tenir jusque par le bout du nez toute sa vie par ces affaires-là, tant qu'à moi. Puis l'affaire que j'ai toujours dit, c'est que Bernard s'était fait avoir. C'est pas parce que je pense qu'à 75% c'était un crosseur que je considère pas qu'il était pas sincère. Il y avait de la sincérité pareil. Mais comme on le voit avec certains sujets à effet psychique, comme Eusapio Paladino, ils ont tendance, des fois, quand certaines choses se manifestent pas, à être moins honnêtes puis à simuler un petit peu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans le fond? Va ton affaire de poison, là, c'est parce que toi, tu es sur un autre narratif. Moi, je ne l'ai pas pris, mais je pense pas non plus que c'est 100% du monde qui l'ont pris qui vont en crever. Toi, tu es dans le fond, tu es dans un narratif alternatif qui c'est les agentures elles-mêmes qui mettent ces rumeurs-là. Ces rumeurs-là, comme les affaires de tunnel puis tout, c'est la CIA elle-même qui s'arrange pour qu'il y ait ces affaires-là qui se répandent de la même façon que Beria en Russie. C'est lui qui répandait les rumeurs comme quoi il buvait du sang humain. Hein? Là, l'affaire, l'effet Mandela, m'a te l'expliqué. Tu veux me tutoyer? M'a te l'expliqué. C'est des illusions liées au fait que la mémoire humaine, ben, elle se transforme, puis c'est lié à la subjectivité des particuliers. Puis après, il y a de l'intersubjectivité entre les particuliers. Le bonhomme, là, Pikachu, là, il a jamais eu le bout de la queue noire parce que il est considéré comme une créature électrique par ses créateurs. Moi, les Pokémon, ça m'intéresse pas. Mais quand il y a eu les conneries d'effet Mandela, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Pikachu, vu que c'est une créature électrique, il n'a jamais eu de noir au bout de sa queue parce que sa queue symbolise un éclair. Ça, c'est dans votre tête. C'est la création d'un faux souvenir. Pourquoi? Parce que dans la nature, les animaux qui ont le gène qui fait qu'ils ont le bout des oreilles noires, souvent, ils vont avoir le bout de la queue noire. Comme les renards, les siamois. C'est un gène. Donc, ça crée le faux souvenir que Pikachu, il avait la queue, le bout de la queue noire, mais c'est pas vrai. Par rapport à Nelson Mandela, qu'il y en a qui se souvenaient qu'il était mort ou qu'il était en prison, moi, personnellement, je considère encore là que c'est des créations de faux souvenirs. Moi, à mes yeux, l'effet Mandela, c'est juste lié au fait que la mémoire humaine est pas parfaite. Puis que le phénomène de la création de faux souvenirs, puis la création de faux souvenirs, je me suis intéressé beaucoup à ça. Parce que les choses qui m'intéressent le plus, c'est la psychologie de masse. La psychologie de masse, puis aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent le mind control. Puis aussi les scénarios alternatifs que des agentures répandent exprès. Le complotisme, c'est eux autres qui l'ont créé. C'est eux autres qui l'ont créé. Quand tu contrôles tout, tu crées toi-même ton opposition. Puis tu contrôles les narratifs alternatifs aussi. Donc, à un moment donné, là, hein? Comment il s'appelle Alain? Monsieur Alain. Donc, Monsieur Alain, moi, je vous trouve bien naïf. J'ai jamais défendu à 100% Bernard de Montréal. Vous pouvez demander à David Lévesque. j'ai tout le temps été, par rapport à certaines affaires, j'ai tout le temps été extrêmement critique au point d'être considéré dans ce milieu-là comme un problème. D'ailleurs, moi, j'écoute personne. Souvent, on me dit, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Non, je les écoute pas. Des fois, je vais demander à quelqu'un de me résumer des affaires de même, ou des fois, je vais aller voir. Mais c'est assez rare, parce que j'ai pas d'intérêt pour ces affaires-là. J'ai jamais eu d'intérêt pour ces affaires-là. J'ai rien d'ésotérique, moi, là. Je crée pas ça. Je veux dire, c'est un peu comme ceux qui font faire leur carte du ciel. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de me faire faire ma carte du ciel par Rita Lafontaine, puis j'ai pas voulu. Je voulais pas qu'elle perde son temps avec moi. Tout simplement. Parce que c'est pas parfait. C'est pas parfait. On peut pas contrôler toutes les données. Quand je dis il y a des dévoilements qui s'en viennent, c'est par rapport à moi. À un moment donné, vous allez le voir pourquoi je crois rien. Pourquoi je crois absolument rien. Puis pourquoi je suis de même. Puis pourquoi j'ai ce parcours-là. À un moment donné, je vais en parler. Mais là, vous vous trompez à 100% quand vous dites que je défendais à 100% Bernard de Montréal puis l'affaire de double éthérique. C'est parce que pour moi, le double éthérique, à un moment donné, il va falloir parler du colonel de Rochas, puis de ses expériences, les expériences qu'il a faites par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des effluves magnétiques par rapport au corps biologique, puis il y a des effluves électriques. Si on peut dire, il y a des. Puis il y a de l'électromagnétique, puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis on parlerait de tous les crosseurs par rapport à ça, comme Ingo Swann, puis ces affaires-là. Hein? Ça s'en vient, on va en parler. Merci pour votre commentaire.